Entreprendre, c'est choisir l'inconfort. L'intelligence artificielle, c'est choisir d'avancer. Oser, l'entrepreneuriat et l'IA réunit Léa, experte en communication et voix des entrepreneurs. Et Vincent, entrepreneur de terrain pour explorer ensemble ce nouveau monde avec honnêteté, curiosité et surtout avec vous. Bonjour Vincent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode d'Oser l'entrepreneuriat et l'IA. Alors je suis Vincent, entrepreneur, et aujourd'hui on lance une émission qui traite de ces sujets, l'IA et l'entrepreneuriat, des sujets dont on entend beaucoup parler aujourd'hui et donc on avait envie d'en parler ici à Nancy. Alors moi je suis Léa, je suis experte en communication et j'accompagne des entrepreneurs au quotidien. Ce projet on en parle depuis un moment avec Vincent et aujourd'hui c'est le grand jour, c'est notre toute première émission rien qu'à nous deux. Et oui, et l'idée de cette émission elle est simple, on vit une époque où l'IA change la façon de travailler, de créer, de communiquer et d'entreprendre. Alors que vous soyez étudiant, salarié, indépendant, porteur de projet, cette révolution, elle nous concerne tous. Et on a l'impression parfois que ça va trop vite, que c'est réservé à certains experts, que c'est même compliqué. Et nous, on pense tout le contraire. Alors, chaque épisode, on va parler concrètement. Un outil que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui, une conversation franche sur un sujet qui fait débat. Et pour les prochaines émissions, des invités qui vont témoigner de leur expérience, tout aussi franc et concrète et surtout utile. Et oui, alors c'est vrai que pour ce premier épisode, on n'aura pas d'invité parce qu'on voulait prendre le temps de vous présenter un peu ce qu'on construit, de vous donner un peu le ton de cette émission. Alors, c'est parti! Alors, pour démarrer notre première rubrique, on va commencer par une présentation de l'outil de la semaine que je pense qu'on adore avec Vincent. En tout cas, perso, je le trouve fascinant. Aujourd'hui, c'est Lovable. L-O-V-A-B-L-E. Alors, j'avoue, pour la première fois, quand j'ai lu le mot, je le disais, j'ai dit Lovable, vraiment à la française, j'ai honte. Bon, c'est pas grave, peu importe comment on le dit, Lovable, c'est un outil qui permet de créer une application web ou mobile, un site internet, en écrivant juste ce que vous voulez en français, c'est-à-dire en langage naturel, comme si vous parliez à quelqu'un. Il n'y a pas besoin de savoir coder, c'est ça la magie de cet outil. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous le décrivez votre idée, par exemple, je veux une page où les gens peuvent s'inscrire à mon événement, je veux un outil pour suivre mes clients. Et Lovable génère l'application ou le site internet en temps réel et tout ça en quelques minutes. Que vous soyez entrepreneur, une association ou simplement quelqu'un avec une idée, vous pouvez la tester directement et voir le rendu sous vos yeux ébahis. Ouais, alors c'est vrai que c'est assez incroyable. Moi, je l'utilise moi-même pour plusieurs projets et ce qui m'a vraiment frappé, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, vous avez déjà un résultat. Vous promptez, vous écrivez quelques phrases pour expliquer ce que vous souhaitez et la machine se met à tourner, entre guillemets, et vous avez un premier résultat qui apparaît. Alors, vous continuez d'itérer et puis du coup, en quelques heures, vous avez quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Ce qui est assez fascinant derrière, c'est que ça, ce sont des choses qui auraient pris beaucoup plus de temps. Ça aurait pu prendre parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour créer ce genre de choses. Donc, c'est là vraiment la magie de Lovable. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer à nos téléspectateurs, nos auditeurs, pardon, le vibe coding? Alors c'est vrai qu'on n'est pas encore retransmis en direct à la télé ou sur YouTube, mais oui, alors le vibe coding, effectivement, c'est une technique de programmation. Alors c'est un terme qui vient des États-Unis. Si on le traduit littéralement, ça veut dire programmation au ressenti. Donc c'est une technique de programmation qui utilise l'intelligence artificielle générative. Donc l'intelligence artificielle générative, c'est quoi? C'est ce que vous connaissez, c'est ChatGPT, Claude, Gemini, enfin voilà, tous ces LLM qu'on connaît. Et donc, le principe, c'est une technique qui utilise ces modèles pour écrire du code informatique. La notion qui est importante derrière, c'est que le vibe coding suppose que l'utilisateur accepte le code sans le comprendre vraiment. C'est-à-dire que vous écrivez et derrière la machine crée le code, vous ne le voyez pas évidemment, et vous avez un résultat plutôt visuel qui apparaît. Et c'est donc ça l'idée du vibe coding. Plus accessible, quoi. Ouais. En tout cas, disponible sur lovable.dev. Il y a une version gratuite pour tester. On le recommande vraiment pour tous ceux qui ont une idée, mais qui pensent qu'ils ne savent pas coder. Spoiler alert, vous n'en avez plus besoin de savoir coder. La seule limite, c'est votre imagination. Et tout de suite, on passe à la suite. Alors, dans la suite de notre émission, on aime bien parler des choses qui vont bien et des choses qui ne vont un peu moins bien. Oui, alors un peu moins bien, c'est pas forcément l'objectif oui. de montrer ce qui va pas. C'est l'idée de cette rubrique dans cette émission s'appelle le flop. Mmh. Alors c'est avant tout mettre en avant un parcours entrepreneurial, donc une personne qui a entrepris, qui a monté quelque chose et qui nous parlera entre autres d'un flop qu'elle a eu durant son parcours, puisque l'entrepreneuriat, c'est une longue route et on avait envie de montrer que le parcours, que les parcours, d'une manière générale, ne sont pas tous parfaits. Et souvent, derrière chaque succès que l'on admire, il y a souvent une longue série d'échecs qu'on oublie de regarder. Et donc, c'était aussi pour dédramatiser, montrer que l'entrepreneuriat, c'est aussi échouer à certains moments pour mieux rebondir derrière. Et c'est vrai que dans le monde du travail, ou qu'on soit entrepreneur, salarié ou même étudiant, on voit beaucoup de success stories, surtout à l'ère des réseaux sociaux. On ne montre que le positif, le beau, et les beaux bureaux, les promotions, les projets qui marchent, etc. Mais ce qu'on voit moins, c'est ce qu'il y a avant, les tentatives qui sont ratées, les projets abandonnés et les idées qui n'ont jamais vraiment pris, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, dans chaque épisode, on demandera à nos invités de partager leur flop. Mmh. Pas pour se flageller, évidemment, mais justement pour montrer que c'est normal, que c'est utile et que ça fait partie du chemin. Et aujourd'hui, je crois qu'on va commencer avec moi. Tu vas passer à la casserole, moi, je te le dis. Non, je rigole. Parce que, en fait, l'échec, ça nous fait apprendre. Ça calibre, ça oblige de se remettre en question de façon concrète. Et la peur de l'échec, c'est souvent ce qui empêche les gens d'oser. Mais pas seulement de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi d'essayer de nouvelles choses en général. Exactement. Alors, effectivement, moi, j'ai monté, il y a 4 ans maintenant, une marque de vêtements de sport éco-responsable. Mmh. C'est une boîte qui a duré 3 ans et qui, malheureusement, s'est terminée par une liquidation judiciaire il y a un peu plus d'un an. Donc, on peut considérer en apparence que c'est un échec. Mmh. Mais je pense que pour moi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans mon parcours parce que j'ai eu un apprentissage derrière ça qui est énorme. Oui. Et c'est surtout ça que j'en retire aujourd'hui. Alors, j'ai eu la chance de connaître avant nos auditeurs ton parcours entrepreneurial parce qu'on a nos chemins professionnels se sont croisés. J'ai eu la chance de travailler avec toi. Mais est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots quel a été ton plus gros flop ? Ouais. Alors déjà pour donner un peu de contexte, donc la marque que j'ai créée s'appelait Jog & Gym. Mmh. C'est une marque de vêtements de sport éco-responsable avec pour objectif de lutter contre les vêtements de sport en polyester qui constituent 99% de l'offre de vêtements actuelle en proposant une alternative plus éco-responsable avec notamment un matériau biosourcé. Et je pense que le flop le plus important derrière cette aventure de un peu plus de 3 ans, ça a été de ne pas assez écouter les clients. Mmh. On s'est un peu lancé tête baissée avec mon associé en se disant, tiens, on a une idée, on a une vision des vêtements qu'on souhaiterait créer, on a trouvé un matériau qui nous correspond. Mmh. Et donc, on s'est un peu lancé là-dedans, dans cette course à la création du prototype et d'une première collection. Mais finalement, on n'a pas assez écouté tout simplement les clients, comprendre ce qu'ils portent aujourd'hui, pourquoi ils portent ça, qu'est-ce qu'ils aiment dans le textile sportif. Tout simplement en apprendre plus sur nos futurs clients pour justement créer un produit qui répond mieux à leurs attentes. Mmh. Donc c'est surtout ça que tu ne referais plus, ne pas écouter ton client, faire les études de marché, etc. C'est ça le plus gros flop finalement. Oui, pour moi c'est le flop parce que c'est finalement ce qui permet de démarrer hein, quand on a trouvé un bon positionnement, quand on a pu établir le bon produit qui correspond à la bonne cible. Rien n'est facile après évidemment, mais on a déjà quelque chose qui est entre guillemets plus stable, ouais. Puisqu'on sait qu'on répond à une vraie demande. Et donc pour moi, oui, c'est ça le flop, c'est de ne pas avoir assez écouté les clients. Après des flops, il y en a eu d'autres évidemment dans l'aventure, mais voilà, si je devais en retenir qu'un et pas des moindres, parce que c'est un peu lui qui a marqué toute la suite de l'aventure, ça serait celui-là. Et j'avais une autre question, je crois que je ne l'ai peut-être jamais posée. Tu commencerais par où ? Parce que je trouve que c'est difficile dans l'entrepreneuriat de se lancer parce qu'il y a tellement de choses à voir. Et toi là, maintenant, qui as eu quand même une certaine expérience, tu commencerais par où ? Bon, alors déjà, il faut casser le mythe, selon moi, de l'idée parfaite. Mmh. Si on attend d'avoir l'idée parfaite, on se lance jamais, parce que rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Et puis surtout, souvent, on attend parfois, enfin, j'entends souvent ça hein, dans les remarques quand je parle d'entrepreneuriat, on me dit mais moi j'ai pas d'idée et les gens pensent se réveiller un jour en ayant l'idée incroyable, révolutionnaire. Voilà, malheureusement ça se passe rarement comme ça. Pour moi, entreprendre, c'est avant tout faire la démarche de se lancer, quoi qu'il arrive, et de se dire bon, j'ai une brève idée ou j'ai un domaine qui m'intéresse et donc je vais commencer à aller à la rencontre de ces personnes qui sont dans ce domaine pour commencer à interroger, discuter avec ces personnes. Et en fait, ce qui est important dans, quand on veut se lancer, c'est ne pas chercher une idée, mais chercher un problème à résoudre. Okay. C'est vraiment ça le point le plus important, c'est de se dire qu'est-ce que je vais aller résoudre comme problème, qu'est-ce qui va m'animer les 5-10 prochaines années. Et on dit aussi quelque chose très souvent dans l'entrepreneuriat, c'est tomber amoureux de son problème et non de sa solution. Okay. Voilà, parce que si on tombe amoureux de sa solution, ça veut dire qu'on n'écoute pas finalement les gens qui seront potentiellement les besoins, la demande, et donc on est omnibulé par son produit, ce qu'on souhaite créer, mais on n'écoute pas du coup vraiment le marché et ce qui se passe derrière. Le marché ne s'adapte pas à notre produit. Exactement. Top, ben merci Vincent pour ces précisions. Et je pense que nous allons passer au débat central de notre émission. Alors, est-ce que tu nous fais entrer dans le vif du sujet, Vincent ? Ah oui, rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Et Léa, je vais te poser la question directement. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que toi, dans ton métier, tu as peur de l'IA ? Franchement, pas du tout. Non, je le prends comme un outil de plus qui me permet d'aller plus vite dans certaines tâches qui sont chronophages. Ça m'a permis aussi parfois d'aller plus loin dans mes réflexions car je demande à l'IA de me challenger. J'ai des prompts personnalisés pour qu'ils n'aillent pas forcément dans mon sens parce que certaines IA sont dans la bienveillance, tout ce qu'on propose c'est super génial. En fait, moi j'attends pas ça, j'attends vraiment une réflexion qui va me percuter, qui va me challenger, qui va pousser les idées encore plus loin. En fait, finalement, comme des débats entre amis. Ça me permet également de relancer la machine parce que parfois, la créativité, surtout dans le domaine de la communication, c'est pas automatique. Parfois, je vais avoir plein d'idées, plein de sujets à traiter et parfois, je vais me retrouver devant une page blanche. Et en fait, l'IA que j'utilise régulièrement me permet de relancer cette machine et ça reste complémentaire dans mon travail. Parce que l'humain, c'est toujours la dernière touch. Et il faut toujours se relire parce que tu sais, si tu n'es pas assez précis dans tes demandes, l'IA prend quand même une certaine liberté et peut erroner certaines réponses, alors que toi, naturellement, tu ne l'aurais pas faite. Alors l'IA facilite mon quotidien, mais n'enlèvera pas le côté humain de la communication parce que ça reste une machine et nous, on crée de l'émotion aussi. Ouais, complètement. Alors c'est vrai que dans ce que tu décris, j'entends vraiment que tu considères l'IA comme un outil. C'est ma petite assistante. Ouais, et c'est super intéressant d'avoir ce point de vue. Moi, je suis plutôt d'accord aussi avec ça. Pour moi, c'est un vrai outil. C'est ce qui permet de faire un tremplin, de m'augmenter, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on entend très souvent chez des entrepreneurs, mais aussi des salariés, des enseignants, voire même des artisans, la peur de se faire remplacer. Qu'est-ce que tu penses de ça, Léa ? Concrètement, pour quelqu'un qui nous écoute, là, peu importe son métier, peu importe son niveau, même par où il commence, je pense qu'il faut s'approprier l'outil parce que si on a peur de quelque chose, autant pas le dominer, c'est pas le bon terme, mais le maîtriser. Il faut maîtriser un outil avant d'avoir peur qu'il nous remplace parce que il y a toujours une faille. Ça reste un outil. Ouais. Pour moi, c'est exactement ça la clé, c'est de se dire. Il faut que j'apprenne, il faut que je découvre ces outils pour justement pas avoir cette peur qu'il me remplace, parce que parfois quand on utilise aussi ces outils, on se rend compte que ils sont pas parfaits, qu'ils sont loin de nous remplacer. Et donc moi je dis toujours est-ce que je vais apprendre à travailler avec l'IA avant que quelqu'un le fasse à ma place? C'est vraiment cette idée là, c'est moi je considère que c'est pas forcément l'IA qui va me remplacer, mais plutôt moi je vais m'entourer de tous ces outils, apprendre d'eux, comprendre comment ils fonctionnent pour m'augmenter et du coup ne pas être celui qui va être remplacé à un moment donné. Alors c'est sûr qu'il y a quand même des domaines où certaines tâches peuvent être littéralement remplacées par de l'IA, et j'ai envie de dire tant mieux parce que ça dédie du temps à d'autres tâches beaucoup plus intéressantes. Et donc c'est ça la clé, c'est quand on utilise un outil, on se rend compte, vous êtes salarié par exemple, vous trouvez un outil qui peut remplacer pas mal de tâches que vous faisiez, bah, tant mieux en fait. Ça veut dire que vous allez pouvoir dédier du temps à d'autres tâches et d'être beaucoup plus intéressantes et peut-être gagner en productivité. Donc il faut vraiment le voir comme un outil. Et puis je rebondirai juste sur ça aussi, faut pas avoir peur de cet outil. Tu vois, j'ai déjà entendu une amie prof qui me disait « Oh, bah moi, je donne plus de devoirs à la maison, il faut tout sur ChatGPT. » Et en fait, on devrait avoir des cours de prompt, de comment maîtriser cet outil et en fait, comment l'élève peut aller encore plus loin dans ses réflexions plutôt que d'écrire et de faire un copier-coller de son cours. Enfin voilà, mais je sais aussi ce qui freine les gens, c'est souvent la complexité technique qui se cache derrière. Ils ont ce sentiment de légitimité, c'est pas pour moi, je suis pas dans la tech et c'est pas trop mon domaine. Et je pense que en fait c'est accessible quand même à tous et il faut pas en avoir peur, au contraire, et il faut même se faire entre guillemets aider. Ouais, exactement, et c'est d'ailleurs pour ça que cette émission existe aussi, parce que l'IA aujourd'hui, c'est clairement pour tout le monde, à la fois le boulanger qui veut automatiser ses commandes, l'infirmière qui veut gagner du temps sur ses comptes rendus, l'étudiant qui prépare son mémoire, l'artisan qui veut mieux communiquer. On n'est plus dans la science-fiction, on est vraiment dans le quotidien. L'IA est instaurée et installée partout, c'est à nous de prendre les commandes de ces outils, de les tester pour voir comment on peut se les approprier justement. C'est ça. En gros, pour résumer notre position, finalement, on n'a pas peur, nous, de l'IA, Vincent. Non, au contraire, on est plutôt enthousiaste et finalement, ça nous rend beaucoup plus productifs au quotidien. C'est vrai. Et puis, cette émission, c'est aussi notre façon de vous aider à franchir le cap à votre rythme, bien évidemment, avec des exemples concrets depuis Nancy. Et avant de nous quitter, on va terminer sur une note un peu plus humaine, j'ai envie de dire. Ouais, on aime bien faire un petit tour de l'écosystème local, parce qu'on est à Nancy et qu'il se passe quand même des choses par ici, donc on avait envie de mettre tout ça en avant. Alors Léa, est-ce que tu as une actu à nous partager ? J'en ai même deux. Deux, waouh ! Parce qu'il y en a une qui est tombée aujourd'hui, vous avez de la chance. Une qui va arriver tantôt, comme diraient nos amis les Belges, si vous nous écoutez, pas du tout. le 29 avril de 17h30 à 21h au Café Jeanne, donc c'est au 72 Grand Rue à Nancy, il y aura lieu un événement de la French Tech du Grand Est qui s'appelle Tech Drink, mais Tech T-E-C-H, on reste dans le domaine de la tech quand même. C'est un peu pour découvrir les coulisses d'une levée de fonds. Entre données concrètes et retours d'expérience, plonger dans les coulisses pour mieux comprendre les clés d'une levée de fonds réussie en 2026. Super, voilà. Franchement, il faut y aller si ça vous intéresse. C'est pas la levée de fonds en direct qui vous intéresse à ce moment-là, l'entrepreneuriat vous titille, vous êtes intéressé par cet écosystème, allez juste faire un tour, c'est surtout les rencontres que vous allez faire et les discussions que vous allez avoir. Plein de gens intéressants, franchement. Il y a souvent du monde, il y a des gens de Metz qui viennent, même d'Épinal. Enfin, c'est un peu le... Non, si on est vraiment, pour le coup, on est au centre de ces deux villes et on se retrouve facilement sur Nancy, donc c'est vraiment chouette. J'en parlerai peut-être dans une autre émission, si on aura le temps d'en faire une autre, mais pour que certaines personnes s'organisent, on ne sait jamais. Il y aura également la nuit du numérique qui se déroulera, alors c'est un peu plus tard, le mardi 23 juin, de 17h à 22h, c'est une soirée qui sera dédiée aux personnes souhaitant mieux comprendre les opportunités offertes par le numérique et l'intelligence artificielle. Donc ça risque d'être aussi très intéressant, c'est orienté très entreprise pour le coup, mais je pense que les conférences sur l'IA, les pratiques autour de l'IA, un espace avec des prestataires locaux sur le numérique, ça peut être hyper intéressant. L'événement est gratuit et les inscriptions sont à venir. Donc on en reparlera, je pense, plus tard. Ouais, super. Et puis en plus, ce sera l'été, donc ça sera très sympa, j'imagine. Oui. Si vous avez une actu, un projet, un événement à nous partager, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. On pourra partager vos événements en direct dans l'émission. En tout cas, Vincent, j'ai été ravie pour ce premier épisode avec toi. C'était une super expérience. En tout cas, ce que je retiens de cet épisode, c'est que l'IA, ce n'est pas forcément un obstacle, c'est un outil. Tu vois, c'est ma petite assistante, on va essayer de lui trouver un petit prénom. Et comme tout outil, ça s'apprend, ça s'apprivoise. Et que vous soyez entrepreneur, salarié ou simplement curieux, ça commence par oser. Ouais, super. Et bah moi, ce que je retiens, alors je dirais, c'est échouer fait partie du chemin. Voilà, ça sera ma phrase de fin, que ce soit avec l'IA, avec votre projet ou avec votre idée. Le flop n'est pas une fin, c'est souvent plutôt le début de quelque chose de meilleur. Ouais. Et puis, ben, l'outil de la semaine, c'était Lovable. Et on se retrouve bientôt avec un invité, pardon. Et d'ici là, osez.